nous féliciter, nous réjouir et tout. Et il était, effectivement, il avait un uniforme allemand, mais alors, il était sur un trône en bois, un gros truc, et à droite, il avait un téléphone, et à gauche, une télévision. Tout ça vieux, bien sûr, mais sans fil, c'était de l'image de la civilisation. Bon, dites-moi, qui veut me répondre, alors Philippe, le choix de l'endroit pour réaliser l'expérience, qui l'a décidé? Est-ce que c'est Claude Chapeau, le chef, ou quelqu'un d'autre? Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est qui? Chapeau avait beaucoup d'autres gens, il connaissait beaucoup de monde, et notamment, je crois que c'était Albert Sarrau qui était président de l'Assemblée nationale, et c'est très copain avec Pierre Messmer, qui à ce moment-là était gouverneur général du Cameroun. Alors il avait demandé à Pierre Messmer de trouver un endroit complètement isolé, mais avec de l'eau, donc près d'un fleuve ou quelque chose comme ça. Et Messmer avait demandé à son administration, et on avait trouvé donc près de Knong Somba, au nord Cameroun, cet endroit, pas idéal, mais enfin, on pouvait survivre. Pierre Messmer, qu'on retrouvera, si c'est le même homme dont on parle, j'imagine, qu'on retrouvera plus tard Premier ministre, et à qui l'on doit d'ailleurs la limitation à 90 km/h sur les routes, c'était en décembre 1973. Yves Sautreau, il y a un épisode dans cette aventure, je crois, qui constitue lui-même une aventure, c'est votre périple en avion pour rejoindre Batoury. Comment ça s'est passé? Voilà. Allez, vas-y, Yves Sautreau. Nous sommes partis donc du Bourget. Mais je crois, oui, dans le récit, ça. Et alors, arrivé à peu près au niveau du massif central, on a vu sur les hublots extérieurs de l'avion de l'huile qui se projetait du moteur, et même au niveau du moteur, il y avait des flammes. Alors on a eu quand même un peu peur, et le pilote nous a tout de suite rassuré, il nous a dit oh, pas de problème, on va s'arrêter à Marignane, j'ai de la plume. Je me suis demandé si on allait faire du vol à voile, j'en sais rien. Enfin finalement, personne n'a eu peur, malgré quand même ce début d'incendie. Bien sûr, une alerte dans un avion, ça fait toujours peur. Philippe Réal, l'ironie de l'histoire, imaginez qu'il y ait vraiment un problème avec cet avion-là, vous qui partiez pour une fausse catastrophe aérienne, ça aurait été l'ironie du sort, non? Comment vous l'avez vécu, cet épisode, Philippe Réal? Oh bah écoutez, moi j'ai sorti ma caméra. Ah, le réflexe professionnel. L'avion, non pas en flamme à l'extérieur, mais quand on a atterri à Marignane, bon, j'ai immortalisé le moment. C'était quelque chose quand même. Mais vous savez, à l'époque, les opérations d'Algérie commençaient et l'armée de l'air avait des soucis avec son matériel. Alors je pense seulement maintenant, hein, qu'ils nous ont refilé un vieux coucou pour partir en Afrique, parce que l'armée de l'air n'était pas très chaude sur notre expédition. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle disait? Oui, parce qu'elle n'y croyait pas, sont des fous, des aventuriers. Et en plus, ce qu'on a appris après, c'est qu'ils avaient eux-mêmes tenté l'armée d'air, tenté une opération survie. Et que les aviateurs, enfin des soldats aviateurs qui étaient partis, étaient restés très peu de temps. Ils n'ont pas supporté la brousse, parce qu'ils étaient ils étaient en Afrique aussi. Ils n'étaient pas au Cameroun, mais ils étaient en Afrique. Donc l'armée d'air était un petit peu vexée, et en plus, ils ne croyaient pas du tout en notre affaire, en disant, on sont des fous, on va embarquer des gens qui vont se perdre et tout. Enfin, il y avait une certaine réticence de la part de l'armée d'air. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un part, ou même un reporter, qu'il veut envoyer une donnée, une image, y compris une image animée, il prend son iPhone, il envoie et ça arrive directement. Bah vous, c'était pas ça du tout, évidemment, vous aviez un émetteur, vous pouvez me le décrire, je crois qu'il était beaucoup plus gros qu'un iPhone. Hein. Ah oui, un peu plus gros. C'était un énorme conteneur, on l'a laissé dans les parois du conteneur, et c'était vraiment un gros, une grosse machine. Seul Tamagne, le technicien radio de l'RTF, pouvait le manipuler, et il le faisait très bien. Il y avait un mât énorme qui faisait peut-être 100 mètres, quelque chose comme ça. C'est discret. Pour rejoindre Brazzaville, qui faisait la liaison avec Paris. Mais l'émetteur, c'était vraiment